douce nuit numéro 2. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit. Le mystère annoncé s'accomplit, cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Oh, nuit d'amour, sainte nuit, dans l'étable, aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses langes, son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le Sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Paix à tous, gloire au ciel, gloire au sein maternel qui pour nous, en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel qu'attendait Israël, qu'attendait Israël. Musique du site museopen.org. Licence CC BY. Ce livre audio vous est offert en domaine public.